Ok, allez, on va faire la chanson contre le Front National. Sur le canapé, je suis animé de public pour une place à l'Élysée, de travail exonéré. Je pourrais faire la même chose, mais je suis trop bien installé. Je suis au moins combien ils sont payés. Moi, ça me fout en l'air. J'ai envie de gueuler. Soyons plus énergiques, fermons la gueule aux racistes. Ne restons pas statiques, nous on nique les fascistes. Je ne veux plus rien subir de l'actu politique. Allongé sur le canapé, je suis animé de répliques. J'entends parler d'alliance et de partis ratés. Je commence à rigoler devant l'écran de télé. Mais quand l'alliance s'ajoute au parti du FN, là oui tout me dégoûte et fait monter ma haine. Soyons plus énergiques, fermons la gueule aux racistes. Ne restons pas statiques, nous on dit que les fascistes. Est-ce que vous avez la flèche? Hey, hey, hey, hey. Je ne veux plus rien suivre de l'actu politique. À ces alternatives, je suis animé de répliques. La guerre entre deux parties n'est qu'une histoire d'argent. Moi, je suis bien entouré. À côté de moi, y'a des gens qui ne veulent pas voir. Le souhait de plier par deux. De peur de perdre, de devenir comme eux. Soyons plus énergiques, fermons la gueule aux racistes. Ne restons pas statiques, nous on y fait fasciste. Je ne veux plus rien subir de l'actu politique. De beau sur le canapé, je suis animé de répliques. Le CD contaminé, il y a trop de gueules. Moi, je suis bien installé, à côté de moi, là, ma meuf, la vie ne rend à rien. N'avoir avec le somme, mais ce que je décide. Fermons la gueule à racine, ne restons pas statiques. Nous, on n'y fait pas chiste. Jornès vous remercie, vous dit à plus tard. Ciao, bye bye, bonne soirée, on vous embrasse, bisous, ciao. Merci, ciao! Merci!